بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous continuons l'explication et la traduction du livre Taysir al-Allam, qui est l'explication du livre Umdat al-Ahkam de l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi et une explication de Cheikh Abdullah al-Bassam, rahimallahu al-jami'a. Durant le cours dernier, on avait expliqué le 25e hadith, 25e, 26e, 27e hadith de Umdat al-Ahkam. Le 25e hadith, comme pour habitude, chaque hadith doit être récité par au moins l'un d'entre vous. Le 25e hadith, qui est le hadith de Umm Qais bint Mihsan al-Asadiyya. Qui se propose. Fadala. Ensuite, le 26e hadith, qui est le hadith de Anas ibn Malik, radiallahu anhu, qui se propose. Tadar Ahmed. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء Ah, Bukhari ou Muslim. Et le troisième hadith, qui est le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu. Tfada, Hassan. Abu Huraira radiallahu anhu. Qala sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul al-fitratu khamsu al-khitanu wal-istihdad wa qassu al-sharib أحسنت رواه البخاري ومسلم بارك الله فيكم. يقول المؤلف باب الغسل من الجنابة. باب الغسل من الجنابة أو الغسل من الجنابة. الغسل بضم الغين اسم الاغتسال الذي هو تعميم البدن بالماء. وأصل الجنابة البعد، وإنما قيل لمن جامع أو خرج منه المني جنب لأن ماءه بعد محله. ويراد بهذا الباب الأحكام التي تتعلق بالغسل وتبين أسبابه وآدابه وغير ذلك، وهو من جملة الطهارة المشروعة للصلاة ومن النظافة المرغب فيها. في لوتر ouvre le chapitre du lavage, comment se laver du grand état d'impureté. On commence à se purifier du grand état d'impureté. Cheikh al-Bassam dit, rahmahullah, pour donner une définition, al-ghuslu bi-dhammi al-ghin, c'est-à-dire que c'est al-ghusl avec la dhamma sur le ghin, c'est un nom qui signifie le fait de se laver. Et de se laver signifie de recouvrir l'ensemble de son corps avec de l'eau. Et la base de l'janabah, donc quand on parle de l'janabah, qui est l'état de grande impureté, la base du mot al-janabah signifie al-bu'd, c'est-à-dire le fait de s'éloigner. Pourquoi est-ce que celui qui est en état de grande impureté est appelé à l'état de janabah? Car celui qui a des rapports avec son épouse ou celui de qui le sperme sort est appelé junub, car cette eau s'éloigne de lui. Et on a vu que la base du mot janaba est l'éloignement. C'est le fait que cette eau qui à la base est en lui, eh bien, sort de l'endroit dans lequel elle résidait. Et ce qui est voulu dans ce chapitre, le chapitre de se laver, ou comment se laver de l'état de grande impureté, dans ce chapitre, il y a les différents jugements qui sont en rapport avec le lavage, qui expliquent les causes de celui-ci, à partir de quand on doit se laver, comment se laver, et bien d'autres sujets qui seront détaillés. Et ceci fait partie, c'est-à-dire le fait de se laver du grand état d'impureté, fait partie de la purification qui est demandée afin d'accomplir la prière, et c'est également une hygiène que l'islam encourage et auquel elle appelle. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا عدم فيه من فوائد صحية وقلبية فإن المجامع حينما تخرج منه النطفة التي تعتبر سلالة بدنه وجوهره يحصل له بعد خروجها شيء من الإجهاد والتعب ويحصل له فتور وكسل وتبلد ذهن وركود في حركة الدم ومن رحمة الحكيم الخبير شرع هذا الغسل الذي يعيد إلى الجسد قوته وينشط دورة الدم في جسده فيعود إلى نشاطه وكم في شرع الله من حكم وأسرار وفقنا الله تعالى لفهمها والإيمان بها. الله عز وجل dit: et si vous êtes en état de grande impureté, alors lavez-vous, purifiez-vous. Donc la première raison du lavage, c'est de se purifier. Mais il n'y a pas que ce bénéfice. Le fait de se laver n'apporte pas comme bénéfice d'être pur uniquement, mais il y a beaucoup de mérites qui sont en rapport avec la santé, des mérites qui sont en rapport avec de l'ordre médical, en rapport avec le cœur également, car celui qui a des rapports avec son épouse, au moment où ce liquide sort, à savoir le sperme, qui est considéré comme le moyen qui permet à sa progéniture d'exister et de se perpétuer, eh bien après cette sortie, l'être humain ressent une fatigue, ressent une certaine paresse, ressent un état de fatigue physique et intellectuelle, et également un ralentissement de la circulation sanguine, et fait partie de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, ainsi que de sa sagesse, et qu'Allah Azza wa Jal ait légiféré après avoir des rapports avec son épouse, ou après avoir eu des rapports avec son épouse, de se laver, car ce lavage aide le corps à retrouver sa force, à retrouver sa vivacité, et permet également à la circulation sanguine de retrouver sa vitesse nominale ou sa vitesse de croisière, si on peut dire comme cela. Et combien de sagesse il y a dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous permette de les comprendre et d'avoir la foi en celle-ci. ثم قال المؤلف الحديث الثامن والعشرون le 28e hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. رواه البخاري ومسلم. Le 28e hadith, selon Abu Huraira radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rencontré dans certaines ruelles de Médine alors qu'il était en état de grande impureté. Qui était en état de grande impureté? Abu Huraira radiallahu anhu. Il dit, c'est-à-dire Abu Huraira, فَنْخَنَسْتُ مِنْهُ, c'est-à-dire j'ai esquivé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je me suis séparé de lui. Je suis alors parti pour me laver, puis je suis revenu. Il m'a dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où étais-tu, ô Abu Huraira? Il a dit, j'étais en état de grande impureté, et j'ai détesté être en ta présence alors que je ne suis pas en état de pureté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, gloire à Allah, le croyant n'est pas impur. Le croyant n'est pas impur. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ghaib al-Hadith, les termes qui méritent explication dans le Hadith. Awalan, in khanastu, bin nouni thumma bil kha'i al-mu'jama wa s-sini al-muhmala, min al-khanous, wa huwa al-ta'akhur wa l-ikhtifa, ya'ni insalaltu wa akhtafait, qala ibn Faris al-khanas al-dhahabu wa khufiyah, wa khanas al-rajul ta'akhar. Le terme « in khanastu », c'est-à-dire que lorsqu'Abu Huraira radiallahu anhu a esquivé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui signifie le fait d'être en recul et de se cacher. D'être en recul et de se cacher. C'est-à-dire qu'Abu Huraira radiallahu anhu s'est reculé par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il s'est caché. Et Ibn Faris a dit « al-khanas » signifie le fait de partir en cachette. Wa khanas ar-rajul, et lorsque l'on dit un homme au khanas ar-rajul, cela signifie qu'il s'est reculé. Thaniyan minhu ay min ajlihi حيث رأيت نفسي نجسا بالنسبة إلى طهارته وجلالته صلى الله عليه وسلم. Abu Huraira radiallahu anhu a esquivé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est éloigné de lui. Pourquoi? Car Abu Huraira radiallahu anhu a considéré qu'il était impur. Qu'il était impur par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui est pur et il est noble également sallallahu alayhi wa sallam. Thalithan, salam. Kuntu junuban, ay kuntu dha janabah. وتقع هذه اللفظة على الواحد والجمع المذكر والمؤنث كما ورد في القرآن والحديث قال سبحانه وإن كنتم جنبا فاتطهروا وقالت إحدى أمهات المؤمنين كنت جنبا. أبو هريرة رضي الله عنه a dit كنت جنبا, c'est-à-dire j'étais en état de grande impureté. Et le terme junub est un mot qui est utilisé à la fois pour parler d'une personne au singulier ou au pluriel, au masculin comme au féminin. Il est autorisé de dire qu'un homme est junub, que plusieurs hommes sont junub, qu'une femme est junub. Et l'auteur, Cheikh al-Bassam, rapporte des preuves dans le Coran et dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, Allah azza wa jalla dit « وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا » Et si vous êtes en état de grande impureté, alors purifiez-vous. Allah Azza wa Jalla parle ici au pluriel. Wa in kuntum, si vous êtes en état de grande impureté. Et dans un hadith, une des femmes du professeur a dit j'étais kuntu junuba, j'étais en état de grande impureté, alors qu'ici c'est une femme au singulier. Donc le mot junub s'utilise au pluriel comme au singulier, au masculin comme au féminin. Rabi'an, la yanjusu bi dammil jim wa fathiha. La yanjus, c'est-à-dire que le croyant n'est pas impur. Il est autorisé de dire la yanjus ou la yan ينجس لا ينجس ou لا ينجس les deux sont autorisés. خامسا سبحان الله تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس من الجنابة. Lorsque le professeur Hassan a dit Subhanallah, gloire à Allah, ceci c'est pour montrer son étonnement. L'étonnement face à ce qu'a cru Abu Huraira, à savoir que le croyant ou que la personne devient impure parce qu'elle est en état de grande impureté. Le fait que tu es en état de grande impureté ne signifie pas que tu es impur. Ce sont deux choses. Tu es dans un état de grande impureté, mais en soi, le musulman et le croyant n'est pas impur. Pour ça que le professeur sallam a dit à Aïcha, inna haydataki laysat fi yadiki, que tes règles ne sont pas dans tes mains. Autrement dit, que une femme qui a ses règles, elle est dans l'état de grande impureté, mais cela ne veut pas dire qu'elle est impure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam jouissait de ces femmes alors qu'elles avaient leurs règles sans avoir un rapport direct avec elles, sans avoir un rapport charnel avec elles. Et ceci montre le respect que l'islam a de la femme, et contrairement à d'autres religions qui considèrent la femme comme étant impure lorsqu'elle a ses règles, lorsqu'elle a ses menstrues, que l'on ne doit pas manger de sa nourriture, que l'on doit, qu'elle ne doit pas habiter dans la même maison, etc., etc. Al-Ma'na al-Ijmali, le sens général du hadith. Laqiya Abu Hurayrata radiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi ba'd turuq al-Madinah wa sadafa annahu junub. فكان من تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم وتكريمه إياه أن كره مجالسته ومحادثته وهو على تلك الحالة وهو على تلك الحال، فانسل في خفية من النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل، ثم جاء إليه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أين ذهب، فأخبره بحاله وأنه كره مجالسته على غير طهارة، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حال أبي هريرة حين ظن نجاسة الجنب وذهب ليغتسل وأخبره أن المؤمن لا ينجس على أي حال. Donc le sens général du hadith est qu'Abu Huraira رضي الله عنه a rencontré le prophète صلى الله عليه وسلم dans certaines rues de Médine, et ceci a coïncidé, ou cette rencontre a coïncidé avec le fait que Abu Huraira radiallahu anhu était dans l'état de grande impureté. Et, de par son immense respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il a détesté être en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de s'entretenir avec lui sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était dans cet état. Il s'est alors, ou il a alors esquivé en cachette le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est lavé, puis est revenu à lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé où il était. Il lui a répondu qu'il est parti se laver et qu'il a détesté être en sa compagnie alors qu'il n'était pas en état de pureté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors étonné de la situation d'Abu Huraira lorsqu'il a cru ou lorsqu'il a pensé qu'il était impur car il était en état de grande impureté, et qu'il soit parti se laver, et le prophète alayhi salatu wassalam lui a informé que le croyant n'est jamais impur, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances, le croyant est toujours pur. Ma yu'khadhu min al-hadith, ce que l'on retient du hadith. Awalan kawnu al-janabati laysat najasatan tahullu al-badan. Premièrement, ce que l'on retient de ce hadith, c'est que l'état de grande impureté n'est pas une impureté qui recouvre le corps ou qui salit le corps. Ce n'est pas une impureté en elle-même, c'est un état. C'est un état. Thaniyan, quand l'insan il a yatanajjasu dhatu, la hayyan wa la mayyita, ليس معناه أن بدنه لا تصيبه النجاسة أو تحل به، فقد تكون عينه أي ذاته متنجسة إذا أصابته النجاسة. Deuxièmement, le fait que le musulman n'est pas impur, que sa personne n'est pas impure, qu'il soit vivant ou mort. Car la pureté du croyant est valable qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. Cela ne signifie pas ليس معناه أن بدنه لا تصيبه النجاسة أو تحل به شيئا. Ne signifie pas que les impuretés n'atteignent pas son corps et ne tachent pas son corps. Il est possible que le corps du croyant soit taché d'une impureté, et c'est alors cet endroit taché qui est impur. C'est alors cet endroit taché qui est impur et non pas le croyant dans sa totalité. Donc le fait que l'on dise que le croyant est pur et rien ne le rend impur ne signifie pas que s'il est taché ou si son corps est taché ou une partie de son corps est tachée par une impureté, qu'il reste impur malgré cela. Non, l'endroit taché est impur. Thalithan, جواز تأخير الغسل من الجنابة. Troisièmement, on en déduit de ce hadith l'autorisation de retarder le lavage. Quelle est la preuve? Ahsan, car Abu Huraira était en état de grande impureté, mais il est quand même sorti. Il est quand même sorti pour une raison ou une autre. Cela prouve qu'il est autorisé de retarder le lavage. Naam? Naam, et aussi, et le fait que le professeur Asilam ne l'ait pas réprimandé, et cela fait partie des choses que le professeur Asilam a laissé faire. Et les choses que le professeur Asilam a laissé faire font partie de sa sunna. Mais il y a d'autres preuves, notamment dans d'autres hadiths, que l'on verra par la suite. رابعا تعظيم أهل الفضل والعلم والصلاح ومجلستهم على أحسن الهيئات. Quatrièmement, on déduit de ce hadith qu'il faut donner de l'importance aux gens qui ont du mérite, aux gens qui ont de la science, aux gens qui sont vertueux, et de s'asseoir avec eux en ayant l'apparence la plus agréable. En ayant l'apparence la plus agréable. خامسا مشروعية استئذان التابع للمتبوع في الانصراف فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة ذهابه من غير علمه وذلك أن الاستئذان من حسن الأدب. Cinquièmement, qu'il est légiféré aux suiveurs de demander l'autorisation à la personne qu'il suit de partir. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reproché à Abu Huraira radiallahu anhu d'être parti sans l'en avoir informé. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a reproché? Aïna kunt ou aïna dhahabt. Aïna dhahabt. Où es-tu? Où étais-tu parti? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a repris Abu Huraira sur cela en lui reprochant le fait d'être parti sans avoir informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci prouve que de demander l'autorisation fait partie d'un comportement louable. Alaykoum salam. C'est clair pour ce hadith? Al-hadith al-tasi'u wal-ishroun an Aisha radiyallahu anha قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. Je crois que vous avez بشرته dans le livre. C'est بشرته. J'ai vérifié, c'est une fatha sur le ba et sur le shin. قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده رواه البخاري ومسلم وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا رواه البخاري ومسلم. لبتنا في الحديث سنو عائشة رضي الله عنها. Elle dit que le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'ils voulaient se laver et se purifier du grand état d'impureté, ils lavaient ses deux mains, puis faisaient les ablutions de la prière. Puis, ils frictionnaient avec ses deux mains ses cheveux jusqu'à ce qu'ils pensaient avoir humecté son cuir chevelu. Lorsqu'il pensait avoir humidifié son cuir chevelu, il répandait alors sur lui de l'eau à trois reprises. Thumma ghassala sa'ira jasadih. Puis, il lavait le reste de son corps. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et elle a dit, c'est-à-dire Aïcha radiallahu anha, je me lavais, moi et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'un seul et même récipient dans lequel nous puisions ensemble. C'est-à-dire que d'un seul récipient, ils prenaient de l'eau ensemble. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que Aïcha radiallahu ta'ala anha. Et le hadith également est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Gharib al-hadith, les termes qui méritent explication dans le hadith. أولاً إذا اغتسل من الجنابة يعني أراد ذلك. قال الزمخشري عبر عن إرادة الفعل بالفعل لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته له والقصد الإيجاز في الكلام. عائشة رضي الله عنها dit lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم se lavait du grand état d'impureté. Lorsqu'il se lavait du grand état d'impureté, c'est-à-dire lorsqu'il voulait se laver. Et Al-Zamakhshari, rahimahullah, a dit que la volonté de faire l'acte a été exprimée par l'acte lui-même. C'est-à-dire le fait de vouloir se laver a été exprimé par le fait de se laver. Pourquoi ? Car l'acte ne peut avoir lieu qu'avec la possibilité de celui qui va le faire et sa volonté à le faire également. Et pourquoi est-ce que l'acte a été cité en voulant dire le fait de vouloir faire celui-ci? C'est pour résumer la parole et pour aller droit au but. Ou pour minimiser et résumer la parole. Donc ici, lorsque Aïcha a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lavait, c'est-à-dire lorsqu'il voulait se laver. Comme Allah Azza wa Jalla dit, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Lorsque tu lis, c'est-à-dire lorsque tu as l'intention de lire. Et l'on demande tous la protection d'Allah contre le diable avant ou après d'avoir lu. Avant la lecture. ثانياً ثم يخلل بيديه شعره. التخليل إدخال الأصابع بين أجزاء الشعر. Puis le prophète صلى الله عليه وسلم frictionnait avec ses mains ses cheveux. Et frictionner, ou la friction en arabe, التخليل, signifie le fait d'entrer les doigts au niveau des cheveux, de rentrer les doigts dans les cheveux et de les bouger. ثالثا قد أروى بشرته أوصل الماء إلى أصول الشعر والبشرة المرادة هنا ظاهر الجلد المستور بالشعر. Jusqu'à ce que le prophète صلى الله عليه وسلم pensait que l'eau ou que son cuir chevelu a été humecté ou humidifié. C'est-à-dire que l'eau est arrivée à la base des cheveux. Et al-bashara en arabe signifie que c'est la peau qui est recouverte de cheveux. La peau recouverte de cheveux, et on pourrait traduire par le cuir chevelu. Par le cuir chevelu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait se laver, il lavait tout d'abord ses mains, puis faisait ses ablutions, puis il frictionnait ses cheveux jusqu'à penser que l'eau a atteint son cuir chevelu. رابعا إذا ظن، الظن يراد به هنا معنى الرجحان، إذ لا دليل على أنه لا بد من اليقين، والظن قد صح التعبد به في الأحكام. خامسا إذا، رابعا إذا ظن، c'est-à-dire jusqu'à ce que le Prophète صلى الله عليه وسلم pensait. الظن qui est voulu ici c'est jusqu'à comment dire الرجحان. Comment traduire الرجحان؟ Non, justement. Non, jusqu'à prévaloir. Jusqu'à prévaloir que l'eau a atteint le cuir chevelu. Et ici, avant, ce n'est pas, le fait de prévaloir, ce n'est pas une certitude. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire d'être certain que l'eau a atteint le cuir chevelu. Il suffit de le penser. Lorsque tu prends de l'eau et que tu te frictionnes, tu sais que l'eau a atteint ton cuir chevelu, mais tu n'en es pas persuadé, tu n'en es pas certain, car pour en être certain, il faut vraiment le constater de façon visuelle et de le voir, de le constater d'une façon qui ne laisse aucun doute. Et si la certitude était demandée, comment est-ce qu'on serait certain que l'eau a atteint le cuir chevelu? Comment? Non, si je vous dis que il est obligatoire, ou pour que le rosse soit valide, il faut être persuadé et certain que l'eau a atteint le cuir chevelu. Comment est-ce que vous pouvez en être persuadé? Non? Prendre un miroir, écarter les cheveux pour voir que, et celui qui a beaucoup de cheveux, comment il fait? À coup les hales, ça serait une contrainte. Ça serait une contrainte. Donc, le simple fait de penser que l'eau a touché le cuir chevelu, ou a atteint le cuir chevelu suffit. Et Cheikh Al-Bassam dit وَظَنُّ قَدْ صَحَ بِهِ التَّعَبُدُ فِي الْأَحْكَامِ. C'est-à-dire que le fait de penser une chose, le simple fait de la penser, permet ou est pris en compte dans beaucoup de jugements en islam. Est pris en compte dans beaucoup de jugements en islam. خَامِسًا أَفَاضَ عَلَيْهِ أَسَالَ الْمَاءَ عَلَى شَعْرِهِ. Cinquièmement, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il répandait l'eau, c'est-à-dire qu'il répandait l'eau sur ses cheveux. Il répandait l'eau sur ses cheveux à trois reprises. Afarda alayhi al-ma'a thalath marrat. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam répandait de l'eau, c'est-à-dire sur ses cheveux. Al-ma'na al-ijmali. تصف عائشة غسل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أراد الغسل من الجنابة بدأ بغسل يديه لتكون نظيفتين حينما يتناول بهما الماء للطهارة وتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ولكونه صلى الله عليه وسلم ذا شعر كثيف فإنه يخلله بيديه وفيهما الماء حتى إذا وصل الماء إلى أصول الشعر أروى البشرة أفاض الماء على رأسه ثلاث مرات ثم غسل باقي جسده، ومع هذا الغسل الكامل فإنه يكفيه هو وعائشة إناء واحد يغترفان منه جميعا. Le sens général du hadith. عائشة رضي الله عنها décrit le lavage du prophète صلى الله عليه وسلم en disant que lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم voulait se laver du grand état d'impureté, il commençait par laver ses deux mains, afin qu'elles soient propres lorsqu'il prendra de l'eau pour se purifier. Car l'eau est prise avec les mains. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions comme il les fait pour prier. Et vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des cheveux épais et denses, il frictionnait avec ses mains. Il frictionnait ses cheveux avec ses mains, des mains recouvertes d'eau. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam frictionnait avec des mains humides. Donc il mettait sa main dans l'eau, puis il frictionnait. Car comment faire parvenir l'eau au cuir chevelu si tu frictionnes avec des mains sèches? L'eau n'atteindra pas le cuir chevelu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se frictionnait, il frictionnait avec des mains mouillées, jusqu'à ce que l'eau atteigne la base des cheveux, à savoir le cuir chevelu. Lorsqu'il constatait cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam recouvrait d'eau son cuir chevelu et répandait ou versait de l'eau sur sa tête à 3 reprises. Puis, il lavait le reste de son corps. Et, malgré ce lavage complet, eh bien, il lui suffisait, c'est-à-dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à Aïcha, un seul récipient dans lequel il prenait de l'eau, dans lequel tous deux prenaient l'eau. Ma yu'khadhu min al-hadith, ce que l'on doit retenir du hadith. Awalan mashru'iyatul ghusl min al-janabah, sawa'un akana dhalika li'inzal al-mani am limujarrad al-ilaj, faqad sayat فكما سيأتي صريحا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Premièrement, il est légiféré de se laver après un état de grande impureté. Que cet état de grande impureté soit causé par une éjaculation ou par une simple pénétration, comme cela a été rapporté de façon explicite dans le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu qu'on va voir par la suite. Deuxièmement, إن الغسل الكامل ما ذكر في هذا الحديث من تقديم غسل اليدين ثم الوضوء ثم تخليل الشعر الكثيف وترويته ثم غسل بقية البدن. Deuxièmement, le lavage complet est celui qui a été rapporté dans ce hadith, à savoir de d'abord de commencer par laver ses deux mains, puis de faire les ablutions comme pour la prière, puis de frictionner ses cheveux lorsqu'ils sont épais et denses, et de les mouiller, puis de laver le reste du corps. De façon générale, ainsi est le lavage complet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثالثا قولها كان اذا اغتسل يدل على تكرار هذا الفعل منه عند الغسل من الجنابه. La parole de Aïcha radhiyallahu anha lorsqu'elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait se laver, cela prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire ces choses. Et qu'elle a cité cela en sous-entendant que c'était ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus souvent. Rabi'an, جواز نظر احد الزوجين لعورة الاخر وغسلهما من اناء واحد. Quatrièmement, l'autorisation aux époux de voir leur partie intime respective et de se laver à l'aide d'un seul et même récipient. Car très peu probable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se lavait avec Aïcha radhiyallahu anha, ne voyait pas, ou que l'un ne voyait pas les parties de l'autre. Cela est difficilement envisageable. D'où le fait que les savants ont déduit l'autorisation qu'un homme regarde les parties de sa femme et que la femme regarde les parties de son mari. خامسا تقديم غسل أعضاء الوضوء في ابتداء الغسل على الغسل من الجنابة عدا غسل الرجلين فإنه مؤخر إلى بعد الانتهاء من غسل البدن كله كما سيأتي. Cinquièmement, de commencer par laver les membres des ablutions. Quand on dit les ablutions, ce sont les ablutions les petites. Non. Si, mais ça, ce sera dans l'autre hadith, Inch'Allah. Dans l'autre hadith, que le Prophète sallam lavait sa partie avant. Mais on verra par la suite, Inch'Allah. Donc, cinquièmement, de commencer par laver les parties ou les membres des ablutions au début du ghusl, au début du lavage, sauf le lavage des pieds qui est retardé jusqu'à la fin, jusqu'à, ou qui est retardé après avoir lavé l'ensemble du corps, comme cela va être cité dans un hadith ultérieur. سادسا قولها ثم توضا وضوءه للصلاة ثم غسل سائر جسده يدل على أن غسل أعضاء الوضوء رافع للحدثين الأكبر والأصغر فإن الأمر الذي يجب غسل هذه الأعضاء للجنابة ولرفع الحدث الأصغر واحد. Ici, la parole de Aisha radiallahu anha, lorsqu'elle dit que le prophète صلى الله عليه وسلم faisait ses ablutions pour la prière, et après avoir cité le fait que le prophète frictionnait ses cheveux et qu'il arrosait sa tête à trois reprises, elle a dit, puis il lavait le reste de son corps. Le reste de son corps. Qu'est-ce que ça veut dire, le reste de son corps? Tout ce qui ne fait pas partie des ablutions mineures, les membres des ablutions. Car le prophète Sassam a commencé par les ablutions. Donc il a lavé son visage, il a lavé sa bouche, il a lavé son nez, il a lavé ses mains, ses avant-bras. Tout ceci sont des membres de l'ablution. Et Aïcha de Anha dit, puis il lavait le reste de son corps. Donc le reste de son corps qui n'a pas été lavé. Et la parole de Cheikh al-Bassam ici, lorsqu'il dit, يدل على أن غسل أعضاء الوضوء رافع للحدثين الأكبر والأصغر. C'est-à-dire que le fait de laver les membres des ablutions lève les deux états d'impureté, le petit et le grand. Comment le fait de faire ces petites ablutions lève le grand état d'impureté et le petit? Le petit, tout le monde comprend, mais le grand. Comment les ablutions peuvent lever le grand état d'impureté alors qu'on sait que c'est le ghusl qui enlève le grand état d'impureté. Qu'est-ce que voulait dire le cheikh ici? Non. Non. Non. C'est une partie de la réponse. Bien sûr que l'ourdeau fait partie intégrante du ghusl, selon l'avis de certains savants, c'est obligatoire, pour d'autres non. Mais ce qu'a voulu dire le cheikh ici, c'est que si une personne, par exemple, est en état de grande impureté, elle fait ses petites ablutions. Elle lave ses mains, sa bouche, son nez, son visage, ses avant-bras, elle essuie sa tête, et elle retarde ses pieds jusqu'à la fin. Après avoir frictionné ses cheveux, et après les avoir lavés trois fois, elle lave le reste de son corps, c'est-à-dire qu'elle va laver le bras jusqu'au coude, et s'arrêter au coude, ne pas aller jusqu'à la main, d'accord ? Et laver par exemple le cou, et ne pas toucher le visage, et ainsi de suite. Est-ce que ces ablutions sont valides ? Est-ce que son lavage est valide ou pas ? Pourquoi il est valide ? Non ? Donc, les membres de l'ourdeau, lorsqu'il les a lavés, ils ont enlevé à la fois le petit état d'impureté, mais aussi le grand. Et c'est la parole de Cheikh ici, lorsqu'il dit, يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غُسْلَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ رَافِعٌ لِلْحَدَثَيْنِ الْأَصْغَرُ وَالْأَكْبَرُ. À savoir que cela prouve que le fait de laver les membres de l'ablution enlève l'état de grande impureté et de petite impureté pour les membres de l'ablution. C'est clair? Pourquoi il commençait pas par le istinja? Il commençait justement par nettoyer les parties. Mais en fait, les hadiths, il faut les rassembler. Alors, on a des informations dans un hadith, on a d'autres informations dans d'autres hadiths, et c'est pour ça que les savants, lorsqu'ils donnent un jugement, ils le donnent en prenant en compte l'ensemble des hadiths. Et plus tu as connaissance des hadiths, et plus tu étudies les hadiths, et plus tu as une vision plus globale, et tu peux rassembler. Lorsque tu vois par exemple les livres qui décrivent le lavage ou les différentes étapes du lavage, ils vont te citer pour chaque étape un hadith, et le hadith peut être différent, d'accord. Donc là, la particularité de de ce livre, Taïshé l'Allam, ou de Hamdat l'Ahkam, c'est qu'on apprend petit à petit. Donc le hadith suivant va nous apporter des informations qu'il n'y avait pas dans le hadith précédent. Sabi'an sa'irul jasad ay baqiyato. Le reste de, septièmement, ce que l'on retient, c'est de laver le reste du corps. Donc il n'est pas obligatoire de laver tout le corps. Rien n'interdit de le laver, de relaver encore les bras ou les membres des ablutions, mais celui qui se contente de laver le reste, eh bien, son lavage est valide et authentique. Le 30e hadith. An Maymunata bint al-Harith zawj an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam annaha qalat wada'tu li Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wudu' al-janaba فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه رواه البخاري ومسلم. Selon Maymunata, le 30e hadith, selon Maymunata bint al-Harith, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, j'ai posé au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'eau avec laquelle il va se laver pour enlever son état de grande impureté. فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ. Il a versé بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ. Il a versé avec sa main droite sur sa main gauche deux fois ou trois fois. ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهِ. Puis il a nettoyé ses parties intimes. ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة. Puis il a essuyé sa main par terre ou sur le mur deux ou trois fois. Puis il s'est lavé la bouche, puis s'est lavé le nez, puis a lavé son visage et ses avant-bras. Puis il a versé sur sa tête de l'eau. ثم غسل سائر جسده. Puis il a lavé le reste de son corps. Puis il a changé d'endroit où il s'est décalé et a lavé ses deux pieds. Je lui ai apporté une serviette qu'il n'a pas voulu. Et il enlevait l'eau à l'aide de ses mains. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Gharib al-Hadith, les termes qui méritent explication. Akfa al-ina qallabahu ala wajhih wa kafa'ahu amalahu wal hadith yufidu al-imala bila shak wa hada ma yuwafiqu riwayat al-Bukhari wa hiya kafa'a wa ankara ba'dhum an yakuna akfa'a bima'na qallab aw qalaba. Non. Ici, fa'akfa'a, c'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a versé de l'eau. C'est-à-dire qu'il a versé de l'eau, il a penché le récipient qui contenait de l'eau. Fa'akfa'a biyaminihi ala yasarihi marrataini aw thalatha. À savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris le récipient qu'il a décalé ou dévié afin de verser de l'eau. Certains ont compris que cela voulait dire retourner le récipient, mais le hadith, comme cela est rapporté dans une autre version de Bukhari, prouve que c'est al-imal, à savoir de pencher le récipient. Thaniyan daraba yadahu bil ardi aw al ha'it al murad huna al murad minhu mashu yadahu bi ahadihima لإزالة اللزوجة بعد الاستنجاء. نعم. أكفى الإناء. نعم أكفى الإناء قلبه على وجهه. أكفى الإناء c'est-à-dire pencher le récipient contenant de l'eau. نعم il a penché en le mettant sur sa main droite. قلبه على وجهه. Certains ont dit قلبه على وجهه, c'est-à-dire le retourner carrément. وكفأه أماله. Il y a une différence entre أكفأ et كفأ. أكفأ c'est retourner et كفأ c'est pencher. والحديث يفيد الإيمان بلا شك. Et le hadith il prouve le fait de pencher, car s'il avait retourné tout serait versé. وهذا ما يوافق رواية البخاري وهي كفأ وأنكر بعضهم أن يكون أكفأ بمعنى قلب. Et ceci est appuyé par une autre version de Bukhari qui parle ou qui stipule kafa'a, et certains ont même condamné le fait de donner au terme kafa'a le sens de retourner. Car lorsqu'on retourne, l'eau entièrement se déverse. Dans la bayadahu bil ardi ou il ha'it, puis le Prophète sallam, le deuxième point, dans la bayadahu bil ardi ou il ha'it, il a essuyé sa main par terre ou avec, ou avec le mur, ou sur le mur. Ce qui est voulu ici, c'est que le professeur Hassan a essuyé ses mains après avoir lavé sa partie intime. Il a essuyé ses mains par terre ou sur le mur. Pourquoi ? Car les murs au temps du professeur Hassan étaient faits de terre. Et la terre est pure. Et au temps du professeur Hassan, il n'avait pas beaucoup d'eau à leur disposition. Donc lorsqu'ils avaient un moyen de purification qui était autre que l'eau, ils l'utilisaient. Et si le professeur Hassellem n'avait pas beaucoup d'eau, et au lieu d'essuyer ou de laver ses mains avec de l'eau qui n'était pas en grande quantité, il se contentait d'essuyer sa main sur le sol ou sur le mur qui était des murs de terre. Et ceci pour enlever les restes des muscosités qui resteraient après l'istinja, comme l'a dit Cheikh Al-Bassam. Izalati al-luzujati ba'da al-istinja. Al-luzuja, ce sont les viscosités, du liquide qui sort des parties intimes. Thalithan, ifadatu al-ma'i 'ala al-shay, ifraghu 'alayhi wa isalatuhu fawqahu. Le fait de verser de l'eau sur une chose, c'est-à-dire de la verser de telle sorte que l'eau coule dessus, coule à la surface. Donc lorsque le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a versé de l'eau sur sa tête, il a versé de telle sorte que l'eau a glissé et a coulé sur sa tête, sallallahu alayhi wa sallam. فَلَمْ يُرِدْهَا رَابِعًا فَلَمْ يُرِدْهَا بِضَمِّ الْيَا وَكَسْرِ الرَّا وَإِسْكَانِ الدَّالِ من الإرادة لا من الرد كما غلط بعضهم. ميمونة رضي الله عنها أبوختي وقفه صلى الله عليه وسلم une serviette et elle a dit فلم يردها, c'est-à-dire que le prophète صلى الله عليه وسلم ne l'a pas accepté, ne l'a pas voulu. Et il ne faut pas comprendre, ou certains ont compris, فلم يردها, il ne l'a pas refusé. Et il y a une différence entre يردها et يردها. يعني هي را دل avec الها et الالف, يعني les lettres sont les mêmes mais les voyelles ne sont pas les mêmes, et ceci change le sens, et voire même l'un veut dire le contraire de l'autre. ما يؤخذ من الحديث. هذا الحديث نحو الحديث السابق وفيه فوائد نجملها فيما يلي. Ce que l'on retient du hadith. Dans ce hadith, où ce hadith est à peu près similaire au hadith précédent, et il y a des choses à retenir que l'on va résumer ainsi. أولا, الحديث الأول ذكر فيه غسل يديه مجملا. وفي هذا الحديث ذكر أن غسلهما مرتين أو ثلاثة. Premièrement, dans le hadith précédent, qui est le hadith de qui? De Aïcha, radiallahu anha. Dans le hadith précédent, il a été cité que les mains ont été lavées, mais de façon générale. Et dans ce hadith, il a été cité que les mains ont été lavées 2 à 3 fois. D'accord ? 2 à 3 fois. طيب ثانيا في هذا الحديث أنه بعد غسل اليدين غسل فرجه ثم مسح يديه بالأرض مرتين أو ثلاثة وقد ذكر العلماء أنه يعفى عن بقية الرائحة بعد دلكها بالأرض أو غسلها بمطهر آخر. Deuxièmement, dans ce hadith, c'est-à-dire le hadith de Maïmouna, il a été cité qu'après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lavé ses mains, il a lavé sa partie intime. Chose qui n'a pas été citée dans le hadith de Aïcha. Puis il a essuyé ses mains par terre 2 ou 3 fois, et les savants ont cité que sont excusées les odeurs qui resteraient lorsque l'on nettoie nos mains par la terre, en la passant sur la terre ou sur un mur de terre, que les restes qui pourraient persister ou les résidus, eh bien, ils sont pardonnés. D'accord ? Car lorsque tu essuies ta main par terre, la terre qui est considérée comme un moyen de purification, est-ce que ta main sera aussi propre que si tu la lavais avec de l'eau ? Non. Eh bien, les résidus qui persisteraient si tu devais laver ta main ou essuyer ta main à l'aide de la terre sont excusés, car même si tu frottes ta main autant de fois si tu la frottes par terre, il restera toujours quelque chose. Sauf si tu râpes ta main, mais bon là, il restera plus de peau. À la Kulihal, mais la terre ne purifie pas comme l'eau. Donc, l'islam a pris en compte cette différence entre l'eau et la terre, à savoir que les résidus ou les odeurs qui pourraient rester, eh bien, ne sont pas pris en compte et elles sont pardonnées. Non. Et quand on se lave les mains avec de l'eau, il reste des odeurs. Non. Ça aussi, c'est l'odeur, il n'y a pas de problème sur ça. Non, il n'y a pas de problème. ثالثا يتعين أن ينوي بغسل فرجه ابتداء الجنابة لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى. Troisièmement, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lavé sa partie intime avant de faire son lavage afin de ne pas avoir à le laver une seconde fois. Pour ne pas avoir à laver sa partie intime une seconde fois. Rabi'an. في هذا الحديث الأول أو في الحديث الأول ذكر أنه توضأ وضوء الصلاة ويقتضي أنه غسل رجليه وهذا الحديث صرح أنه غسل رجليه بعد غسل الجسد ولعل أحسن ما يجمع بينهما أن يقال إنه توضأ في حديث ميمونة وضوءا كاملا ولكنه غسل رجليه مرة ثانية بعد غسل الجسد في مكان آخر لكون المكان المغتسل فيه متلوثا. Quatrièmement, ce que l'on retient du hadith. Dans le premier hadith, à savoir le hadith de Aïcha radiallahu anha, il a été cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les ablutions de la prière. Et cela sous-entend qu'il a lavé ses pieds. Car les ablutions de la prière, ce sont commence par le fait de laver ses mains et se termine par le fait de laver ses pieds. Donc ça, c'est l'ablution de la prière. Et dans ce hadith, il a été explicitement cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lavé ses pieds après avoir lavé son corps. Et il dit, rahimahullah, et ce qui a été dit de mieux pour rassembler ces deux hadiths et de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Maïmouna a fait ses ablutions entières, c'est-à-dire qu'il a lavé ses pieds. Mais ولكنه غسل رجليه مرة ثانية mais qu'il a lavé ses pieds une seconde fois dans le hadith de Maïmouna qu'il a lavé ses pieds une seconde fois après avoir lavé son corps dans un autre endroit car l'endroit dans lequel il s'est lavé était taché. Le professeur Hassan, lorsqu'il a lavé, dans le hadith de Maïmouna ici, lorsqu'il a lavé son corps, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est décalé. Il s'est décalé. Donc il a changé d'endroit. Puis il a lavé ses pieds. Et au temps du professeur Hassan, les tapis n'étaient pas répandus. Donc une personne pouvait très bien se laver sur du sable ou sur de la terre. Lorsque tu te laves sur de la terre et que tu verses de l'eau sur ton corps, qu'est-ce qu'il va se trouver à tes pieds? De la boue mélangée. Tes pieds vont être tachés, non pas d'impureté, car on a vu que la terre est pure, mais c'est quelque chose qu'il faut nettoyer. Il y a des pieds pleins de boue, l'islam nous demande de les laver. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une impureté, mais il faut les laver. Et ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam se décalait, changeait de place, pour se trouver dans un endroit qui n'était pas mouillé. Et là, il lavait ses pieds, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car la partie de son corps qui était en contact direct avec la terre mouillée ou avec la boue, c'était ses pieds. C'est ainsi que beaucoup de savants ont rassemblé les deux hadiths. On rassemble les deux hadiths, et c'est aussi l'avis de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qui dit que l'on lave ses pieds une deuxième fois après avoir lavé son corps lorsqu'il y en a besoin. Lorsqu'il y a un besoin. Wallahu a'lam. C'est clair ou pas pour ce point? خامسا في هذا الحديث أن ميمونة جاءته بخرقة لينشف بها أعضاءه فلم يقبلها وإنما نفض يديه من الماء. Cinquièmement, dans ce hadith, Maïmouna radiallahu anha est venue avec une serviette pour essuyer ses membres. Il ne l'a pas accepté, mais a poussé ou a enlevé l'eau à l'aide de ses mains. Est-ce que cela prouve que l'on ne doit pas utiliser de serviette? Non. Pourquoi? Le savant dit, le professeur Sallam ne l'a pas accepté. Il ne l'a pas accepté cette fois-ci. Et le fait que Maïmouna radiallahu anha lui apporte une serviette, cela prouve que c'était une habitude pour elle d'apporter une serviette au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le professeur Sallam ne l'a pas accepté. Les savants ont donné beaucoup d'explications. Certains ont dit que peut-être que la serviette était tachée. D'autres ont dit peut-être que le professeur Hassan ne voulait pas contraindre sa communauté, pour ne pas croire que sa communauté, mais pour ne pas que sa communauté pense que ceci est une obligation et que après s'être lavé, eh bien il faut obligatoirement se laver, s'essuyer avec une serviette. Ala kulli hal, beaucoup d'autres raisons qui ont été données pour expliquer ce refus du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et d'autres hadiths prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une serviette avec laquelle il s'essuyait après les ablutions. Le hadith d'Abu Huraira rapporté par Tirmidhi et autres que Cheikh Al-Albani rahimahullah a jugé bon dans Silsila al-Sahiha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une serviette avec laquelle il s'essuyait après ses ablutions. سادسا إنه لا يجب دلك الجسد في الغسل وهو كالدلك في الوضوء سنة. Sixièmement, on retient de ce hadith qu'il n'est pas obligatoire d'essuyer son corps lors du lavage et que l'essuyage est une sunna, c'est-à-dire qu'il est recommandé et préférable comme pour al-wudu. Quelle est la preuve de cela? Ad-dalk, qu'est-ce que ad-dalk? Ad-dalk, c'est de frotter et de passer sa main en lavant. Et ceci est une sunnah. Ce qui est obligatoire, c'est que l'eau recouvre le corps. Et il n'est pas obligatoire de faire passer la main par-dessus, ce qui est appelé ad-dalk. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith de Maïmouna, faja'ala yanfudu al-ma'a biyadayhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam versait de l'eau avec ses mains. Donc il versait de l'eau. Et l'eau, yani, descendait et coulait. Il n'a pas été cité dans le hadith de Maïmouna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait suivre ensuite ses mains, ou sa main sur son corps. Donc, par exemple, le fait de se doucher avec une pommette, avec une paume, de telle sorte que l'eau arrive dans chaque partie du corps, cela est bien sûr suffisant. Sabi'an, innahu la yursalu a'dha'u al-wudu' ila janabati ba'da ghasliha fi al-wudu'. Faqad sahhaha an-Nawawi annahu yujzi'u ghaslatan wahidatan 'an al-wudu' wa 'an al-janabah wa 'an al-janabah. Septièmement, que les membres des ablutions ne doivent pas être lavés lors du lavage après les ablutions. Et il était rapporté de façon authentique, d'après le même Nawawi, qu'un seul lavage concernant ces membres, c'est-à-dire les membres de l'ablution, sont suffisants. Et c'est le sujet qu'on a traité tout à l'heure. À savoir que tu n'es pas obligé de relaver les membres des ablutions que tu as lavé, car les ablutions précèdent le lavage. C'est clair ou pas? Thaminan, inna ghusl al-jasad marratan wahida wa ba'dhum ja'alahu thalatha qiyasan 'ala al-wudu wa la qiyasa ma'a an-nass. Hadha ikhtiyar Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah wa Shaykh Abd al-Rahman as-Sa'di wa ahad al-wajhayn fi madhhab Ahmad. Huitièmement, on retient de ce hadith que le corps doit être lavé une seule fois. Et certains ont dit qu'il fallait le laver trois fois en faisant l'analogie avec les ablutions. Car les ablutions, les membres sont lavés combien de fois? Trois fois. Il y en a le plus souvent, trois fois. Et certains ont fait l'analogie entre al-qiyas, entre l'wudu et al-ghusl, entre les ablutions et le lavage, en disant, vu que le wudu, on lave les membres trois fois, alors on doit le faire également trois fois pour le lavage. Et ceci est un avis, mais ce n'est pas l'avis le plus proche. L'avis le plus proche, c'est qu'il n'y a pas d'analogie ma'an nas. C'est-à-dire que l'analogie, quand est-ce qu'on l'utilise? Al-qiyas. Quand est-ce qu'on l'utilise? Qu'est-ce que l'analogie? Quand il n'y a pas de texte. L'analogie, c'est de dire telle chose est similaire à telle chose, donc le jugement est le même. Mais si dans telle chose il y a un hadith et dans telle chose il y a un hadith, est-ce que l'on dit elles se ressemblent, donc elles ont le même jugement? Non, parce que dans chaque sujet ou dans chaque cas précis, dans chacun de ces deux cas, il y a une preuve. Et c'est ici, par exemple, les hadiths des ablutions stipulent que le plus souvent c'est trois fois. Et ici, on a le rousl, les hadiths qui décrivent le lavage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir qu'il se lavait qu'une seule fois. Donc il y a un hadith pour le rousl et il y a des hadiths pour al-wudu. L'analogie ne peut pas avoir lieu car la preuve existe de part et d'autre. Et c'est l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, également l'avis de Cheikh Abd al-Rahman al-Sa'di, et c'est aussi l'un des avis dans le madhhab de l'imam Ahmad, rahimahumullah. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.